chez Radio Guimauzo de 13h à 19h. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Nous sommes le samedi 24 juin, le jour des portes ouvertes de RGM. Nous sommes avec vous en direct via votre transistor, votre autoradio ou votre téléphone. Merci aux personnes qui sont venues, celles qui sont passées nous faire un petit coucou et celles qui viennent de nous rejoindre dans notre studio, dont ma maman qui est à mes côtés. Nous sommes avec vous jusqu'à 19h. Pour ce jour spécial, Lia a interviewé monsieur le maire de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Gilou vous a fait découvrir l'univers musical de Zabou, une chanteuse locale. Quant à moi, je vais vous emmener dans l'univers de JT, qui est portraitiste. J'ai eu la joie de le recevoir dans nos studios l'année dernière. Pour cette journée particulière qu'est les portes ouvertes, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse revenir. Merci d'avoir accepté mon invitation, Joël. Et avec plaisir. Comment ça va? Ça va bien. Depuis quand est-ce que vous dessinez, Joël? Alors, ça s'est fait en fait en deux fois. La première fois, j'ai commencé les portraits, j'avais 6 ans. Et j'en ai fait un métier de 17 à 20 ans. Et puis, à 20 ans, j'ai quitté ça parce que je gagnais pas ma vie et puis que j'avais pas de soutien familial derrière, donc je suis rentré dans la fonction publique pendant 40 ans. Mais à la retraite, ça me titillait de reprendre les crayons et d'en faire un autre métier. Voilà. D'accord. Donc depuis 15 ans, 16 ans même maintenant, je suis redevenu portraitiste. Vous êtes venu avec votre matériel, est-ce que vous pouvez nous en parler de tout ça? Alors oui, un chevalet. Comme tout artiste, des crayons particuliers puisque c'est du crayon à l'huile, très difficile à gommer, mais par contre on obtient un bon rendu. Et puis une gomme qui sert pas beaucoup, un taille crayon. Et voilà. Et puis un dessin que j'avais commencé, c'est une commande que je dois terminer. Est-ce que le dessin, c'est en plus d'une passion, est-ce que c'est un exutoire pour vous? Ah, c'est une passion, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que pas tellement un exutoire. Non, c'est une passion que tous les jours j'ai envie de dessiner. D'accord. Nous allons faire une première pause musicale. On vous laisse avec Michael Jackson avec son titre They Don't Care About Us et on se retrouvera juste après sur Radio Guimauzo. sommes de retour sur les ondes de RGM avec JT et Lia qui vient de nous rejoindre. Eh ben oui, bonjour. Coucou. Re-bonjour. Et Lou qui est en train de s'installer. Alors Joël, comment ça se passe quand vous faites un portrait? Vous pouvez le faire à partir d'une photo, là, comme on est en train de le voir, mais aussi en live, hein, avec une personne alors réelle. Ça je le faisais quand j'étais jeune. Ok. Dans ma première partie de travail de portraitiste. Mais j'ai arrêté pendant 40 ans et entre-temps, le monde a changé. Mmh. En fait, le numérique a été inventé, les réseaux sociaux ont été inventés, ainsi bien que je me suis dit qu'il fallait faire autrement. Okay. C'est-à-dire partir de photos et travailler avec les réseaux sociaux. Les gens envoient des photos, je leur envoie des dessins. Et pour moi, c'est beaucoup mieux que de passer tous mes week-ends sur les foires ou les fêtes pour dessiner les gens. Lou, tu dois avoir plein de questions. Alors, elle vient de terminer sa première année en fac d'art plastique, c'est ça? Exactement. Voilà, donc j'imagine que t'as plein de questions à poser. Alors, ce qui t'a poussé à faire du dessin, ça, on l'a entendu, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire du photoréalisme, en fait, en particulier? Ou du moins, moi, ce que je vois comme étant du photoréalisme. C'est-à-dire, depuis que je dessine, j'ai toujours essayé de reproduire le plus fidèlement possible le modèle, quel qu'il soit. Et donc, automatiquement, j'en suis venu à faire du dessin hyper réaliste. Donc, le portrait, j'ai toujours été passionné par le portrait, hein, depuis tout gamin. Et dessiner les gens, je trouve ça assez merveilleux. Donc j'en profite. Comment on arrive à capter le regard comme vous le faites? Le réalisme, est-ce qu'il vient aussi de l'intensité du regard que l'on y met? Ça doit être hyper important. Oui, il faut arriver à redonner la personnalité qui émane souvent du regard et du sourire. On n'a pas tendance à vouloir gommer parfois les petits défauts. Ah si, les gens demandent, d'ailleurs. Moins de cernes, moins de rire. Mais même une dame, une fois, m'a demandé de la dessiner avec 10 ans de moins. Ah bon? Et c'est possible, ça? Oui. Oh. On enlève les pas de doigts, on raffermit le menton, voilà. Bah, c'est bon à savoir. Je pense que je vais faire une commande avec 10 ans de moins. Vous savez, j'ai eu toutes sortes de demandes un peu loufoques. Hein, oui. Par exemple, c'est quoi la plus loufoque des demandes que vous ayez eues? Oh, je pense que ce qui était particulier, on m'a demandé de faire un portrait sur un œuf d'autruche. Comment ça? Oui, une dame, elle avait élevé un enfant qui est parti en Australie, quand il a été grand, et puis il lui a envoyé un œuf d'autruche. D'accord. Puis elle voulait avoir son portrait, alors elle a pensé que le faire sur l'œuf d'autruche, c'était pas mal. Waouh, ça doit être difficile. C'est spécial parce qu'un œuf d'autruche, c'est pas comme un œuf de poule, hein. On peut pas écrire dessus. D'accord. C'est quelque chose de lisse comme un carrelage. Ah oui, oui, oui. Donc j'étais obligé de dessiner avec des marqueurs Posca, qui sont moitié feutre, moitié peinture. Donc j'avais pas terrain à me rater, c'était pas évident. Hein. Oui, parce que j'imagine qu'il y a pas de deuxième essai là. Ah non. À moins d'avoir un deuxième œuf d'autruche dans le sac. En plus, c'est rond, donc c'est vraiment compliqué. Ah oui, oui. Et il fallait se mettre bien en face pour voir, parce que dès qu'on tournait l'œuf, c'était déformé. Ouais, c'était un peu particulier. Alors, vous avez la particularité de dessiner avec les deux mains. Est-ce qu'il y en a une qui est plus facile à manipuler pour les détails que l'autre ou pas? C'est-à-dire, elles ont chacune leur rôle. La main gauche, elle est plus à l'aise dans des grands dessins. Par exemple, quand je dessine un trompe-l'œil au sol, c'est entièrement main gauche. D'accord. Elle fait aussi mieux les ombrages. Par contre, la main droite serait plus à l'aise pour les petits détails. Mais ça vient du fait que, habituellement, j'écris de la main droite. Je pense que ça vient du fait de ça. Sinon, c'est deux mains identiques. Hein. Mais comment c'est possible de dessiner en même temps des deux mains deux endroits différents d'un visage? Je sais pas. C'est un peu extraterrestre pour moi, cette notion. Je sais pas. Ça a toujours été comme ça. Donc, ok. Voilà. Vous avez un cerveau surcapacitant? Non, ça n'existe pas. Ça. En surcapacité. Enfin, en principe, les médecins expliquent par un cerveau plus symétrique. Ok. Voilà. Vous avez un beau cerveau. Il n'y a pas un côté qui prend l'avantage sur l'autre. Vous m'aviez pas dit aussi que vous pouvez dessiner deux portraits en même temps? Oui. Alors, il y a des vidéos sur YouTube où j'ai fait deux portraits en même temps, un de chaque main. Alors ça, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de concentration. Mais ça marche. Ça va, j'arrive. Faut gérer deux choses très différentes, en fait. Donc c'est un peu plus compliqué et c'est très fatigant, d'ailleurs. Mais oui. Je suis épuisé après. Ah bah oui. On dort pendant 3 jours quand c'est comme ça. Oui. Combien de temps est-ce que vous mettez en moyenne pour faire un portrait? Entre 3 et 4 heures. Mais ça dépend beaucoup de la complexité des cheveux. Ok. Mais c'est rapide, ça, par exemple, ou tu penses que c'est rapide, ça? Ah oui. Enfin, en tout cas, pour moi, qui dessine pas encore assez à l'heure actuelle, c'est très peu. C'est un éclair pour moi. Ah oui. En général, mes collègues mettent 10 heures. Hein, ah oui. Portrait. Oui. D'accord. C'est-à-dire, déjà, je gomme quasiment jamais. Mm-hmm. Alors, ça va vite. Ah oui, c'est du one shot. Puis j'ai deux mains, donc c'est vrai que ça... Bah oui, forcément, ça va plus vite. Voilà. C'est quoi le plus complexe alors à dessiner dans un visage? Ce qu'il faut surtout pas rater, c'est le regard. Oui. Et en deux, le sourire. D'accord. Voilà. Je crois qu'on a la personnalité qui sort de ces deux détails-là. Et les cheveux, la texture? Les cheveux, c'est souvent très compliqué, surtout chez les femmes. Si je fais un autoportrait, pour moi, c'est pas compliqué. Est-ce que ça vous arrive de faire des autoportraits, justement? Oui, mais de façon humoristique. Parce que je trouve ça assez narcissique, alors j'aime pas trop. D'accord, pourquoi Mais je l'ai fait de façon humoristique. Par exemple, je me suis dessiné dans un Rubik's Cube. Ah bon? Oui. D'accord. Et donc, le Rubik's Cube est en partie tourné, et il y a ma tête coupée en morceaux, voilà, suivant les cubes. La plus grande difficulté que vous ayez rencontrée lors d'un portrait, d'un dessin, c'est... C'était le portrait de Beyoncé. D'accord. Parce que c'est tout des nuances de gris, de noir, très subtil. C'est un portrait qui m'a demandé beaucoup de temps. C'est uniquement au crayon de papier en noir et gris ce que vous faites ? Oui, c'est du crayon à l'huile. Ok. Ah oui, du crayon à l'huile. Oui. Ok. Oui. Ok. Alors ça donne des beaux effets. C'est très beau au résultat, mais par contre, faut faire attention parce qu'on peut presque pas gommer. D'accord. Ok. Donc pas trop de droit à l'erreur. C'est ça qui est bien. Est-ce que vous avez déjà essayé de dessiner avec un autre matériel ou pas ? Oh oui, mais c'est pas convaincant. Au graphite, j'ai déjà fait, mais c'est des dessins qui ont moins de volume, qui sont plats, même si on les dessine pareil. Hein. Et puis le crayon graphite, il est brillant, alors que celui-là est mat, donc il n'y a pas de reflet. Et puis c'est jamais noir, c'est toujours gris foncé, mais c'est jamais noir. Que là, c'est noir. Si on fait du noir, il est noir. C'est quoi la plus grande surface que vous ayez, sur laquelle vous ayez... Alors, en portrait, c'est 1m50 par 1m20, à peu près. Il y avait 3 enfants. C'est pour mettre sur un mur. Autrement, en dessin au sol, j'ai déjà fait un dessin d'une vingtaine de mètres de long. Ah oui, ça. Et puis il y a la maison transparente à Remiremont. Ouais. Qui est toute une maison. D'accord. Ok. Mais comment on peut s'imprégner des perspectives quand on fait aussi grand? Enfin, ça doit être compliqué quand même. On prend du recul. C'est bon. On prend du recul, puis non, ça va. Et la plus petite surface? Ah oui, une fois, on m'a demandé, c'est vrai, de faire un portrait sur un cercle qui faisait, je crois, 3 centimètres. Ouais. C'était pour mettre dans un médaillon. Ah, d'accord. Et là j'ai été obligé de prendre un crayon graphite là, extrêmement dur et très pointu, puis de dessiner avec une loupe. Ah oui. Et c'est quoi le plus dur, grand ou petit alors? Mais il y a rien de dur. Ah. Pour vous? Je pense que si on essayait de faire la même chose, ce serait plus compliqué. C'est du temps à passer. Ok. Mais c'est jamais dur, c'est du temps à passer par contre. Ok. Là, vous dessinez sur quel support du coup? C'est du papier? Alors ça, c'est du papier DCP 200. En fait, c'est un papier qui a été détourné. Au départ, il était pour faire des impressions en couleur laser. Puis en fait, les portraitistes sont rendus compte que c'était un papier lisse qui allait très très bien pour le portrait. Alors en fait, il s'en est vendu beaucoup pour faire du portrait, peut-être plus que pour faire de la photocopie. C'est de Clairefontaine. Ok. Est-ce que vous donnez des cours parfois? Oh non. Non. Je saurais pas. Ah bon? Expliquer, c'est difficile. Ah, c'est un métier d'être professeur. Moi, je suis... Juste un artiste. Bon, voilà. Puis, je sais pas, si je dis à quelqu'un de dessiner comme moi, je sais pas, ça risque d'être compliqué. Oui, on a chacun sa méthode, c'est ça que vous voulez dire? Oui, non, je crois que faut laisser ça aux professeurs de dessin qui sont très qualifiés. Et patients. Et patients. Nous allons faire une deuxième pause musicale pour mieux se retrouver ensuite. On vous laisse avec Fergie et son titre A Little Party Never Killed Nobody, comme on pourrait traduire par une petite fête n'a jamais tué personne. Ami auditeur, tu sais à quoi t'en tenir. À tout de suite sur Radio Gamozo. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Skin, ba-da-pop. chit chat of the things I got and my stout reputation of keeping it hot. The party of the year and my master plan is to make you realize I'm your favorite. People get lost underneath the moonlight. Hot, they pop, they paparazzi. Who don't wanna take this flick? Speak easy, rocking the feathers, I'm breezy. Hope you can keep up, boys. Believe me, I'm a beastie. It don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly. No, it don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly. No, are you ready? A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Let's go on. A little party never killed nobody. Right here, right now, is all we got. Oh. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec JT pour continuer de faire connaissance avec lui. Alors, vous ne faites pas que des portraits, vous réalisez aussi des caricatures. Alors, c'est quoi une caricature? Ah, une caricature, c'est un délire. C'est un délire. Faut bien dessiner, puis faut avoir un esprit moqueur. Puis bon, ben on voit tout de suite ce qui va et ce qui va pas dans la tête de quelqu'un. Donc on voit tout de suite comment déformer, exagérer ce qui va pas surtout. Et puis mais qu'on le retrouve quand même. Alors qu'est-ce que vous exagéreriez par exemple chez ceux que vous voyez en face de vous? Je leur dirais pas. Oh bah si, on est là pour ça. Y a tu un petit mot à ajouter? Non. D'ailleurs je n'aime pas beaucoup caricaturer les femmes parce qu'en général elles le prennent pas trop bien. Ah. Manque d'autodérision? Ah, souvent. Souvent. Les hommes, ça va, mais les femmes, non. Non, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression de faire un peu du mal, donc. Il est gentil. Adorable. Est-ce que vous pensez que les caricatures, ça peut changer le regard que les gens ont d'eux-mêmes, par exemple? Est-ce que ça peut les aider à prendre du recul sur leur complexe? Ben, surtout, c'est souvent une claque, hein. Et il y en a qui prennent ça avec la rigolade parce qu'ils sont bien conscients que c'est comme ça. Puis d'autres qui voulaient ne pas le voir, puis qui sont obligés de le voir. Donc là, effectivement, ça se passe pas trop bien, quoi, dans leur tête. Tout dépend s'ils ont une bonne vision d'eux-mêmes ou pas. Bah, s'ils ont un complexe sur le nez, puis que vous leur faites une patate à la place du nez. Ouais. Le problème, souvent, les gens sentent que c'est comme ça, mais ils veulent pas se l'admettre. Et là, le caricaturiste, bing, il le met en plein. Mais ça vous arrive qu'on vous demande une caricature, enfin, que quelqu'un vous demande une caricature de lui-même? Ah oui, oui. Merci, ah, oui, Michel. Oui, oui. Bon, les hommes, ils prennent ça à la rigolade, en général, à part ceux qui ont un esprit un peu, comment dire... Égocentré. Non, ceux qui sont des... Narcissiques. Des dragueurs, des... Ah, des playboys. Des playboys, voilà. Okay. Ceux-là, ils ont du mal à le recevoir. Mal dans l'ego. Mais les femmes, en général, alors les femmes, c'est drôle parce qu'elles me demandent une caricature par curiosité, en croyant que je vais pas voir ce qui va pas. Mais je le vois en une seconde. Et évidemment, quand elles reçoivent le dessin... Est-ce que pour des formations, justement, artistiques, vous voyez dès le premier regard le... Ah oui, c'est instantané. Ah, ça, c'est instantané. On a tous envie de savoir ce qu'il a dans la tête quand c'est instantané, parce que dès que je vois un visage, il est détaillé tout de suite, et puis tac, c'est une déformation professionnelle aussi. Ça doit être drôle, quand même, tous les jours. Comment tu vois l'IA? Oui, bah, ça, c'était sûr. Quand tu es en train de te cuisiner. Comment est-ce que vous choisissez la partie du visage à mettre en avant quand vous faites une caricature? Ah, ça dépend, comment est le visage. Ça dépend. Bon, souvent, il y a le regard, évidemment, il y a le sourire, il y a, on fait une grosse bouche avec des grandes dents, souvent, c'est souvent ça, les caricatures. Mais il y a des gens qui ont des formes de tête particulières, ou un regard particulier, alors. Et on peut même caricaturer une très belle dame en mettant en valeur, justement, ce qui est beau. Michel. Voilà. Michel est appelé en direct, voilà, ce sont les joies du direct. Les aléas du direct. On reconnaîtrait cette sonnerie entre mille. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Hein. C'est selon le visage qu'on interprète. Est-ce que vous vous amusez à faire des caricatures de personnalités, par exemple, pour vous moquer un peu d'elles? Ah oui, les politiques. Ah. Alors eux, j'aime bien les casser. Parce que quand je fais des caricatures de monsieur, madame, tout le monde, j'essaie toujours que ça soit gentil. Mais les politiques, j'essaie de les casser. T'imagines, tu reçois le dessin, tu te vois horrible et tu te dis, et en plus, il a été gentil. Horrible. Ah, les politiques, non, ils nous en font trop voir. T'as raison. Je vois bien la caricature, le mec avec les tout petits yeux, tu sais, un peu perfide et puis un énorme melon en guise de tête. Oui, ou les grandes oreilles aussi. Hein? Il y a un homme politique qui a des grandes oreilles, le maire de Pau. Je sais pas comment il s'appelle. Lui, mais il m'avait dit, je lui avais mis en main propre, et il m'avait dit que c'était pour mieux écouter les. Ah ben voilà, c'est bien. Mieux écouter les gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un portrait de personnalité et justement d'aller lui offrir? Ah oui, beaucoup. Ça m'a permis de rencontrer des gens célèbres que j'aurais jamais rencontrés. Comme qui alors, par exemple? J'ai rencontré Nagui, j'ai rencontré Michel Leeb. J'ai rencontré la plus belle rencontre, Marion Rousse. Ah oui. Ah là. On est sous le charme. Des gens la dessinant, non? Oui, oui, elle est très jolie, puis elle est très sympathique, en plus. J'ai rencontré Thibaut Pinot, puis bien d'autres. Hein. On a du public dans le studio, c'est bien. Bonjour, bienvenue. Il n'a jamais autant été aussi rempli le studio, je crois. On en a connu d'autres. On en a connu d'autres, en effet. Vous êtes en train de dessiner qui, là, par exemple? Alors là, c'est une commande, c'est une dame... parce que chaque mercredi, je dessine dans un hypermarché à Vesoul. D'accord. Et donc, c'est une dame qui était cliente qui m'a fait une commande. Ok. Ça vous arrive souvent d'aller dessiner à... Tous les mercredis, je dessine à Vesoul, dans un hypermarché. Alors pourquoi? Parce que vous avez eu envie ou c'est eux qui vous ont sollicité? Eh ben, c'est-à-dire, ça s'est passé qu'il y a 18 ans, quand l'hypermarché a ouvert, je reprenais le dessin dans le magasin, mais j'avais pas de modèle. Donc il y a eu la chance, une amie caissière qui était très jolie, m'a servi de modèle. C'est ce que je dis, il a que des amis jolis. Eh oui, oui. C'est incroyable ça. Elle m'a servi de modèle pour faire une première carte et puis une affiche que j'ai mise dans le magasin. Le directeur de Leclerc a reconnu, évidemment, sa caissière. Donc, il lui a demandé qui avait fait ça. Elle a dit, c'est un client que je connais. Donc, elle lui a dit, écoutez, il lui a dit, envoyez-le-moi quand il viendra. Donc, j'ai été rencontrer le directeur qui m'a dit, écoutez, je vous offre de venir dessiner un jour par semaine, gratuitement. Ce que vous gagnez est pour vous, mais vous n'allez pas chez les autres. C'est génial. Et voilà, depuis ce temps-là, je vais régulièrement... Super. Ouais. Alors, à l'époque, j'habitais près de Vesoul. Maintenant, j'habite ici, mais je continue d'y aller. Ah oui. D'accord, génial. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier dessin? C'était quoi? Ah oui, je me souviens, j'avais 6 ans et j'ai dessiné ma petite sœur qui avait 3 ans, qui était assise sur son lit et je sais pas pourquoi. J'ai dessiné et puis les gens qui me gardaient, parce que j'étais élevé par des familles d'accueil, les gens qui me gardaient à l'époque ont été surpris de la ressemblance et m'ont tout de suite encouragé à dessiner, voilà, à continuer. Et ça donnait déjà de beaux résultats à 6 ans? Vous l'avez encore dessiné? D'après ces gens-là, c'était très ressemblant déjà. Bon, avant je dessinais des têtes de Tintin, Milou, les personnages de BD, hein, Spirou, voilà. Mais c'est la première personne que j'ai dessinée, c'était ma petite sœur. Super, vous l'avez encore le dessin? Ah non. Mais j'ai été trimballé d'une famille à l'autre, c'était compliqué. Hein. D'accord. Donc, non, j'ai plus. Nous allons faire une dernière pause musicale avant de parler d'un autre de vos savoir-faire. On va se plonger et écouter une petite chanson d'Elvis remixée, à savoir Little Less Conversation. À tout de suite sur le 107. Less conversation, a little more action, please. All this time. sommes de retour sur les ondes de RGM avec JT. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radio Line par l'application mobile Les Radios Associatives. Amis auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à venir nous voir dans nos studios, on se fera une joie de vous recevoir, à savoir qu'on est là jusqu'à 19h. Alors Joël, vous pratiquez le spin painting, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors c'est un exercice un peu difficile, c'est du spectacle qui consiste à dessiner le portrait d'un chanteur pendant le temps d'une chanson, c'est-à-dire en gros en 4 minutes. Et donc il faut aller très vite avec les deux mains. Bon, on va quand même au plus simple, hein, mais il faut qu'on retrouve bien la personne. Et depuis quand est-ce que vous faites ça ? Eh bien, depuis que j'ai vu ça à la télé, dans une émission de Patrick Sébastien, j'ai vu Jean-Pierre Blanchard qui faisait ça, puis je me suis dit, ben c'est formidable, je suis sûr que je peux y arriver. Et donc j'ai travaillé, puis j'ai, voilà, j'ai commencé un premier spectacle, c'était Johnny Hallyday, puis depuis j'ai fait une vingtaine de personnages au fur et à mesure des demandes. Même arrivé lors d'un mariage, de faire les mariés, un de chaque main. J'imagine que ça demande une certaine concentration et beaucoup de travail, encore plus c'est que pour les portraits. Oui, c'est beaucoup de travail en amont, puisqu'il faut répéter, notamment dans la semaine précédant l'événement, il faut beaucoup répéter de façon à vraiment l'avoir dans la tête. Parce qu'on n'a pas de modèle, hein. Donc on dessine de mémoire et puis il faut aller très vite. La musique tourne, la moindre erreur est fatale, il n'y a pas de droit à l'erreur. Donc c'est vraiment un exercice difficile. Vous m'avez envoyé la dernière fois que je vous ai reçu une vidéo où vous avez dessiné Léo Ferré, je crois. Oui, en 3 minutes 42. Ça doit être au niveau physique, ça doit être assez éreintant quand c'est même. C'est très fatigant, oui. C'est très fatigant parce que c'est la concentration le problème. Et puis comme on écoute la musique, il ne faut surtout pas être en retard. Donc il faut vraiment, et puis il faut qu'à la dernière seconde, le dessin soit fini. Ah oui. Ça doit être compliqué. Oui, c'est pas facile. Hein. C'est beaucoup plus difficile que de faire un portrait. Hein. Et vous avez fait qui en tout premier, Johnny Hallyday, et Johnny dernièrement Hallyday. Dernièrement, j'ai fait souvent Johnny Hallyday, puisque depuis qu'il est mort, on me l'a souvent demandé. Dernièrement, je crois que c'est lui, hein, le dernier que j'ai fait. Ouais. C'était aussi lui. Et vous faites ça en public aussi ? Oui, en public, bon, pour des événements comme des mariages ou des anniversaires, mais aussi, j'ai participé par exemple à un remake de La France, un incroyable talent. C'était organisé en Haute-Saône, il y a eu des week-ends d'audition, une finale à 12, puis une finale à 5. Voilà, j'ai participé à ça, j'avais fini deuxième derrière une chanteuse. Bon, il y avait 500 personnes dans la salle. Hein, c'est... Ah oui, bah après les chansons sont plus ou moins courtes. Quel portrait vous a demandé le plus de travail avec le moins de temps ? Alors là, oui, c'est le portrait de Dave, puisqu'il y avait 2 minutes 55. Wow. Ouais. Je l'ai fait en public près d'Avignon. Il y avait 500 personnes, ouais. 2 minutes 55, c'est vraiment très court. Et du coup, vous prenez moins le temps de travailler le regard que quand vous faites un portrait simple ? Ah non, c'est pareil. Mais il faut aller très vite, quoi. Voilà. D'accord. C'est la chanson Vanina, dure moins de 3 minutes. Avant de clôturer cette interview, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Ah oui, sur Facebook, à Joël Tauzin ou alors JT Portraitiste. L'un c'est le journal, l'autre la page. Ou alors sur Instagram, à Joël Tauzin. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que ça dure encore longtemps, parce que j'ai quand même 76 ans. Donc, pourvu que ça dure. Cette interview est maintenant terminée. Merci Joël d'avoir été avec nous. Mais c'était avec plaisir. Merci Lou de nous avoir rejoints. Merci à toi de m'avoir accueilli. J'espère que vous avez passé un bon moment notre compagnie. Et Joël, j'espère qu'on se reverra une nouvelle fois. Comme dit le dicton, jamais 203. Oui, merci beaucoup Laura, oui j'espère une troisième fois. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, restez avec nous, la journée est loin d'être terminée. L'IA recevra un champion de France de hip-hop, le groupe Let Me Sleep, qui fera un live acoustique. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur notre antenne. C'était Laura, bye tout le monde.